des mineurs de Gardanne aux mineurs du Brésil. Pour ceux que l'on condamne pour ces milliers d'exils. Pour ceux qu'on assassine au nom de rien du tout. Pour les chiens qu'on surine la tête dans l'égout. Pour l'oiseau qui s'envole, que l'on crible de plomb. Pour l'enfant qu'on engueule et qui pleure pour de bon. Pour les tendresses sales et les amours blessés. Pour les cœurs qu'on effeuille, que l'on jette au panier. Peuple, réveillez-vous. Pour les âmes déchues, tous les sans-paradis. Pour les causes perdues, pour le dernier des cris. Pour tous ces rien du tout qui se traînent à pleurer. Pour les simples et les fous, pour cette envie d'aimer. Pour la terre que l'on ruine, nature prise en otage. Pour ces souffres à l'usine qui s'usinent avant l'âge. Ces enfants sans visage, orphelins par les guerres. Pour tous ces paysages, couleur de cimetière. Peuple, réveillez-vous. Pour briser dans nos têtes tous les murs de Berlin. Pour le dernier poète, la dernière des putains. Pour la fin des marchands, pour les choses invisibles. Pour que le nain soit grand, pour bâtir l'impossible. Pour le monde en sursis, la dernière fleur fanée. L'océan qui rugit comme pour crier pitié. L'amour de la terre, le dernier goéland. Pour ceux que l'on enterre, le dernier des mourants peuples. Pour le temps des gitans, les ailes du désir. La symphonie du vent, tous les êtres à venir. Pour les libres penseurs, force de la pensée. Pour la mort des censeurs, la censure censurée. Pour sauver la planète, pour ceux qui vont naissant. Que chaque jour soit fête et chaque amour troublant. Pour celui qui va seul, qui se sent rejeté. Pour la dernière des folles, qui crie le verbe aimer. Peuple, réveillez-vous. Pour ne plus désunir nos regards et nos mains. Pour un seul peuple à dire, pour un seul peuple humain. Pour celui qu'on insulte, dernier des Mohicans. Pour le dernier des justes, pour le dernier volcan. Au nom de ceux qui souffrent, criez encore plus fort. Pour nos cœurs qui s'engouffrent, à la vie, à la mort, peuple.